Fenêtre sur l'Afrique avec Sylvain Amos, Sena Apeto, Rodrigue Aego et d'autres collaborateurs. Sika Naomi, Josué Maouli, Esteban Gagno, Sidi Amivi, Senam Kodjo et Selom Iao. Fenêtre sur l'Afrique, c'est la voix des sans-voix, la voix des opprimés. Bonsoir l'Afrique, bonsoir Togo, à mes auditeurs, bienvenue dans cette édition spéciale de Radio Kalaka dans votre émission Fenêtre sur l'Afrique. Merci à nos radios partenaires FM Liberté Radio Diniban. Nous restons au Togo. La mobilisation populaire ne semble pas fléchir dans ce petit pays de l'Afrique de l'Ouest. Et bien malgré les répressions sanglantes des forces de sécurité sur les populations qui manifestent à main nue. Et au nord du Togo, notamment à Bafilo, à Mango, la répression était à son comble. Jusqu'où iront ces manifestations? Nous accueillons deux leaders de l'opposition, notamment Tchikui Atadam du PNP, Parti National Panafricain, Jean-Pierre Fabre de l'ANC, Alliance Nationale pour le Changement. Jean-Pierre Fabre est également chef de file de l'opposition. Eh bien, entre autres invités dans cette émission, Maître Raphaël Pandiadjaré et le journaliste Ferdinand Haïti. Merci de nous être fidèles. Mais tout de suite, notre éditorial. À quand l'intérêt supérieur des Togolais passerait-il avant tout au Togo? Contre la volonté d'un peuple, la dictature togolaise s'obstine. Faut-il y voir la main des multinationales étrangères, dont françaises, amis auditeurs de la diaspora togolaise, amis panafricains? Déjà 7 morts, des centaines de blessés, et Fogna Singbi se tait et laisse tuer même des enfants, titraient nos confrères en ligne 27avril.com. Et ceci n'est qu'un exemple dans le florilège d'une et titre d'innombrables médias, autant nationaux et qu'internationaux, ces derniers jours. 7 morts à moins de mois, tout simplement parce qu'une population réclame légitimement un état de droit, un mieux-être, et ce, dans la non-violence. On compte ces morts depuis seulement le 19 août 2017, quand, de façon synchronisée, le peuple du Togo a pris d'assaut les artères des différentes villes du pays pour cette cause. Et depuis, les Togolais s'acharnent et se font entendre. Dans les différentes capitales occidentales, la diaspora togolaise, en communion avec les mouvements au Togo, porte aussi le flambeau. Retour à la constitution de 92, droit de vote de la diaspora. C'est qu'en temps de dictature, ça suffit. Voilà en substance les mots qui résonnent de façon assourdissante et constante lors des manifestations populaires. Quand la communauté internationale et la France finiraient-elles par comprendre qu'au Togo, sur la terre de nos aïeux, l'intérêt supérieur des Togolais est souverain et passe avant tout. Qui tronque la souveraineté des Français en France? Qui essaierait d'amener les Français chez eux à comprendre ou à admettre que le retour à la monarchie leur garantirait mieux leurs intérêts? Au Togo, Bolloré, le grand ami de Nicolas Sarkozy ou encore d'Emmanuel Macron, semble mieux connaître ce qui est mieux pour les Togolais. Après avoir acquis, dans les circonstances que nous connaissons tous, la concession du port autonome de Lomé, après son fumeux projet de train Blue Line, manigancé avec Fogna Singbi, Bolloré pousse l'OTP jusqu'à obliger ses employés à nager à contre-courant, à aller manifester dans les rangs des soi-disant militants d'UNIR, Union Nationale pour la République. Et ceci pour soutenir le régime en place. Nous savions que l'homme d'affaires avait choisi son camp depuis belle lurette. Mais là, le mépris, le cynisme, l'injure à la face des Togolais ont franchi le Rubicon. Un homme d'affaires avisé n'est-il pas celui-là qui s'est préservé ses arrières? Bolloré pense que le port de Lomé appartient aux Niassingbé? Ne comptent-ils pas continuer de faire des affaires au Togo après les Niassingbé? Le jour des comptes arrive bientôt. Si l'on peut essayer d'admettre l'avidité ou encore la gloutonnerie d'un homme d'affaires véreux, il est par contre insupportable, voire répugnant, de voir un représentant du secrétaire général des Nations Unies porter un coup au droit fondamental et universel des peuples à disposer d'eux-mêmes. Ibn Shambaz est une honte pour l'Afrique de l'Ouest en particulier et pour toute l'Afrique en général. Comment un Ghanéen qui nage dans la démocratie, la culture de l'alternance chez lui, peut-il vouloir le maintien d'un peuple frais, juste à quelques mètres de chez lui, dans la dictature, dans un état de terreur, de barbarie? Quel référendum conseille-t-il aux Togolais? Avec quel fichier électoral et quelle institution? N'est-il pas au courant que les réformes réclamées par le peuple visent les institutions justement en charge des consultations électorales? Où a-t-il appris ses relations internationales et sa diplomatie? Le capitaine Didier Rollis et Kofi Annan doivent se pincer en l'écoutant soutenir de telles incongruités. À mes auditeurs, pour la gouverne du prétendu diplomate Ibn Shambaz, par un coup d'État constitutionnel, le 1er de janvier en Afrique, le 6 février 2005, puis le 24 février 2005, en une nuit et en catimini total, Faure Gnassingbé est passé du poste de ministre à député à celui de président de l'Assemblée nationale, étant rappelé qu'au terme de l'article 65 de la Constitution, la vacance du pouvoir est assurée par le président de l'Assemblée nationale qui a été empêché à dessein de rentrer au pays pour assurer l'intérim. Nous sommes curieux d'avoir son expertise sur cet extrait qui est un fait. De grâce, ne demandez pas au peuple togolais d'aller à un énième dialogue avec ce régime. Pour mémoire, plus de 25 initiatives de dialogue ont été organisées sans succès en raison d'une mauvaise foi manifeste du pouvoir en place. Le crédit des dialogues est épuisé. Trêve de plaisanterie et de perte de temps. Le peuple togolais ne veut plus de demi-mesure. Les Togolais veulent que Faure Gnassingbé et sa horde libèrent le plancher. Ce brave peuple crie « ça suffit ». Le clan Gnassingbé et le système RPT unir, ça suffit. Plus jamais aucune concession. Fini les compromis et les compromissions. Le peuple du Togo veut un retour pur et simple à sa constitution de 1992 qu'il a publicité à plus de 97% et qui n'a finalement jamais été appliquée. Monsieur Ibn Shambaz, le référendum a déjà eu lieu en 92. Demandez à vos amis d'appliquer son résultat, s'il vous plaît. Le peuple du Togo s'est inexorablement tel un torrent engagé sur son ultime chemin de libération. Rien, nous disons rien, ni personne ne l'arrêtera. Aucune puissance étrangère, aucun médiocre de diplomate, aucun patron de multinationale ne saurait l'arrêter. Il est encore temps d'éviter que le Togo sombre dans la violence, car, à force de trop tirer sur la corde, à force de réprimer sauvagement et mortellement une population non violente, celle-ci se décidera, à un moment venu, de rendre coup par coup. Et quand viendra ce moment, gare au pyromane converti en sapeur-pompier, gare au médecin après la mort, malheur aux opportunistes médiateurs. Amis auditeurs, il est encore temps d'amener Faure Gnassingbé à la raison, aller jusqu'à rafaler une pauvre vache à la calache, jugée menaçante. Il faut croire que ces barbares ont perdu totalement raison et développent une paranoïa inouïe. Le sang humain ne semble plus leur suffire. Sous peu, le peuple du Togo va montrer au monde entier que son cœur a toujours soupiré vers la liberté. Ses chaînes sont irrémédiablement en voie de tomber. Nous ne pouvons rien contre la volonté d'un peuple déterminé, décidé. C'est une loi de la nature. Peuple togolais, ta flamme de mobilisation rallumée ne doit en aucun cas s'éteindre. Novio, à vous l'été. We'll be right back. Eh bien, à voleter, chanté par le jeune artiste togolais Sol Isiré. Et c'est avec cette chanson que nous allons retrouver tout de suite notre correspondant Rodrigue Ayego. Rodrigue Ayego qui était au fin fond, au nord du Togo, à Bafilo, à Mango, où il y a eu des répressions sanglantes et sur les populations qui manifestaient à main nue. Rodrigue Ayego, bonsoir. Bonsoir Sylvain, bonsoir à tous les fidèles internautes, fans et auditeurs de l'émission Fenêtre sur l'Afrique. Bonsoir à tous les Africains de la diaspora, bonsoir à toute l'équipe de la rédaction de Radio Canal K. Eh bien, Rodrigue Ayego, vous étiez depuis mercredi dernier à Bafilo, à Mango, où il y a eu des répressions sanglantes. Décrivez-nous la situation, Rodrigue Ayego. Effectivement Sylvain, de Mango à Bafilo, nos oreilles ont écouté des témoignages poignants et nos yeux ont vu des choses ignobles qui illustrent la gravité de la situation qui prévaut dans les deux localités surtout, suite aux dernières manifestations organisées par la coalition des 14 partis politiques de l'opposition, notamment CAP 2015, PNP, Groupe des 6, Santé du Peuple et CAR, pour réclamer le retour à la constitution du 14 octobre 1992, entre autres. Parti de Lomé, tôt dans la matinée du 27 septembre, suivant dans un premier temps la délégation de la coalition, nous étions arrivés à Mango après environ 9 heures de trajet périlleux dû à l'état de la route nationale numéro 1 qui n'est à des niveaux précis qu'un assemblage de nids de poules et de terre rouge. Sans repos, nous avons suivi la délégation de la coalition composée de Jean-Pierre Fabre, chef de file de l'opposition, président national de l'ANC, membre de CAP 2015, Madame Brigitte Kafui-Adjamagbo-Johnson, secrétaire générale de la CDPA, présidente de CAP 2015, Maître Mohamed Tchassouna Traoré, président du parti MCD, membre du groupe des 6, Dr Kampatib, conseiller du président national du parti ADI, membre du groupe des 6, Monsieur Traoré des FDR, membre du groupe des 6, Dr William Kouessan, président national du parti Santé du Peuple, Kondo Komlavi, président de la jeunesse du CAR, son vice-président et des proches collaborateurs des différents partis engagés dans cette unicité d'action politique. La délégation s'est rendue à l'hôpital de l'Espérance de Mango, cet hôpital américain qui a été très sollicité en matière de prise en charge médicale des blessés, site de refuge pour d'autres qui ont vu leur habitation détruite et incendiée, craignant donc pour leur vie. Seuls 4 responsables politiques ont été autorisés à visiter les victimes. Là, on a dénombré 39 blessés, dont 14 par balle, 7 cas graves, le décès de l'enfant de 9 ans Yakubu Abdoulaye, 9 cas de morsure de serpent parmi les populations qui ont fui les exactions militaires pour se réfugier dans la brousse. Sur place, amené sur fauteuil roulant, un monsieur de la quarantaine atteint par balle, mais n'ayant rien perdu de sa détermination et son engagement malgré son état critique. « Même si je meurs, je verrai le changement pour lequel je souffre », a-t-il indiqué à plusieurs reprises. Chose émouvante qui a suscité de vives émotions chez plusieurs personnes. Selon nos informations, non seulement celui-ci est blessé par balle, mais son habitation et son lieu de commerce ont été incendiés par les militaires, dit-on. « Changement. » On l'aura. Même tu t'es quitté ici, même c'est là-bas que je vais partir même. On l'aura. Tu seras vivant et tu vas voir le changement. Ça va aller. Courage. Tu vas voir le changement. Courage. Merci beaucoup. Nous ne vous oublions pas. Okay. Vos souffrances ne seront pas vaines. Merci beaucoup, d'accord? Merci. On promet de continuer la lutte. Nous verrons tous le changement. Selon Alain, directeur de l'hôpital de l'Espérance, tous les blessés qui ont pu arriver à l'hôpital ont été soignés. Bon, on a pu gérer tous les blessés qui sont venus. Actuellement, il reste 2 qui sont hospitalisés. Tous les autres ont été libérés. Chez nous, il y a eu à peu près 39 personnes. Il y a eu un décès, 5 enfants. La délégation s'est ensuite rendue au domicile de la famille Yakoubou qui a perdu Abdoulaye de 9 ans par balle alors qu'il jouait avec ses amis. Là, l'émotion est grande, mais ne faiblit nullement la détermination des parents. Monsieur Yakoubou, père de Abdoulaye, nous laisse quelques mots. Le jour que l'affaire a percé, moi je ne suis pas là, je suis en brousse. On m'a appelé le téléphone de venir à la maison. Je demande qu'il y a quoi ? Que de venir à la maison ? Qu'est-ce qui se passe à la maison ? Vous me dites de venir. Venez à la maison seulement. J'ai quitté, prends mon vélo. Sur la route, j'ai croisé un jeune là. Il me dit que mon enfant a eu balle. J'ai dit, balle, y'a. Qu'on lui a mené Espérance. L'enfant est mort. Heureusement, je suis venu à la maison, trouver le corps dans la chambre de maman. Voilà le corps. C'est le corps comme ça. Je venais trouver mon enfant qui couche comme ça. J'ai dit, c'est Dieu qui a fait tout. Donc on a qu'à enterrer l'enfant, la population dit que non, ils vont amener ça sur le chef. On a fait jusqu'ils ont amené ça sur le chef. On a déjà enterré. La délégation a aussi rendu visite aux familles des 2 autres citoyens morts par noyade alors qu'ils étaient poursuivis par les militaires. N'ayant d'autres issues, le fleuve Oti a été leur secours, mais un secours fatal. Ils n'en ressortiront que sans vie. Un jeune nous retrace le film, affiche son indignation et sa détermination à poursuivre la lutte. Nous ne voulons plus de unir, nous dit-il. C'est les militaires qui ont poursuivi cette population et ils sont allés tomber dans le fleuve. Or actuellement le fleuve est tellement plein. Hein? Nous sommes en saison pluvieuse, vous voyez ce que ça a donné. Nous disons que le peuple togolais est éveillé. Nous voulons que les partenaires internationaux, les human rights, interviennent pour protéger parce que nous souffrons trop. Vraiment. Nous souffrons. Nous ne sommes pas dans une période de dictature. Depuis mercredi, les gens ont quitté la ville. Les gens fuient leur maison. Nous sommes en train de marcher dans la ville. On nous dit les militaires arrivent. Rentrez dans les maisons. Nous n'avons plus le droit de rester dans notre pays. Pourquoi? Les militaires aussi sont là pour nous servir. Mais un seul parti politique ne peut pas s'accaparer des militaires et nous renvoie. Vous êtes là pourquoi? Vous êtes là pour protéger votre population et non pour les rosser. Le 28 septembre, la délégation a pris la direction de Bafilo pour la même opération. Une foule immense était au rendez-vous. On pleure la mort du jeune Agrigna Rachad, fauché par les balles assassines des militaires qui ont pris d'assaut la ville de Bafilo le 20 septembre, premier jour des dernières manifestations. Le frère du défunt témoigne les faits. Je suis le frère de Agrigna Rachad. On était là le mercredi matin. J'étais avec lui à la maison. On s'amusait. Le petit, il est rentré à la manifestation. Dans quelques minutes, on a vu les soldats. Sans rien dire, ils ont commencé à nous lancer des gaz, des choses, des bombes. Moi, je ne sais pas, je ne suis pas un soldat pour savoir quelles sont ces choses-là. C'est la première fois qu'on a vu ici à Bafilo les choses-là qu'on nous a lancées ici. Les soldats ont tiré sur lui et c'est ça qui a tué mon petit frère. Dans son ventre, 3 balles. C'est les soldats. Nous voulons le changement. Le parti UNIR n'a qu'à nous laisser. Un vieux se plaint de l'enlèvement de son fils Afo Ramdan, âgé de 16 ans, retrouvé plus tard à la prison civile de Kara, loin de son père, avec un état de santé défaillant, à qui malheureusement on refuserait des soins. C'est qu'il y a que le jour-là, effectivement, lui, il n'était pas parmi les manifestants. Il était dans la chambre. au mois de la prière maintenant, quand ils sont sortis maintenant, de retour de la prière, ils rentrent maintenant. Les soldats, ils viennent forcer la porte et l'enlever. Ceux-là qui sont venus mépriser les manifestants. Donc pour eux, c'est après la mal qu'il est rentré dans sa chambre. Donc c'est eux, les soldats qui sont rentrés l'enlever, l'emporter. Son fils, le dimanche passé, il est allé les voir. Maintenant, ils sont là sans soin, mais la manière dont on les a frappés, ils sont là, aucun soin. Ils souffrent, mais ils ne sont pas encore libérés. Or, ils n'ont pas de moyens pour au moins subvenir à leurs besoins. Tout comme Ramdan, Issa Mohamed, âgé de 19 ans, est également emprisonné à Kara. Lui, il a été condamné dans le cadre des manifestations du 7 septembre 2017. Selon son père, qui n'a pas souhaité joindre sa voix, les militaires lui demanderaient une caution de 700 000 francs CFA pour libérer son fils. La délégation partie, nous sommes restés à Bafilo, moi et mon collaborateur Romuald, où dans l'après-midi, nous avons effectué une tournée pour recueillir des témoignages de 5 autres victimes, dont un enfant de 16 ans et un autre gars à qui les militaires ont extorqué 10 000 francs CFA avant de le balancer sur la route en pleine circulation après l'avoir copieusement bastonné. J'ai entendu la maman frapper la porte. Donc je me suis réveillé, je lui demandais il y a quoi, elle a frappé la porte. Et elle me disait que c'est comme ça. Comme il y a eu la marche, les militaires ont envahi le village. Ils sont en train de frapper les hommes. Donc de quitter la maison. Donc je me suis levé en même temps. J'ai pris la culotte et la chemise. Je suis monté dans la montagne. On est resté dans la montagne jusqu'à 17h, en allant 18h. Bon, je sentais le froid et je suis revenu pour prendre mon drap et retourner dans la montagne. Quand je suis arrivé, rentré dans la chambre, prendre le drap, mettre dans les sacs, pour sortir en même temps, je vois les militaires au niveau de ma porte. Ils étaient au nombre 17. Ils me demandaient de sortir et je suis sorti. Je me suis habillé, j'étais en chaussures, et ils m'ont dit d'enlever ça, que je suis prêt pour fuir. Je dis non, je ne suis pas en train de fuir. Ils me demandent que depuis là, on est parti rester dans la montagne. Comme il fait nuit, je suis revenu à la maison pour manger et repartir. Je dis non. Depuis là, je suis malade, donc moi, je ne me suis pas déplacé. À ce moment, ils m'ont pris. Ils m'ont pris, m'ont amené au niveau du petit terrain, dans un quartier de Bafilo. Et nous sommes allés là-bas. Il y avait 5 là-bas. Et 7 qui m'ont amené, ça faisait 12 militaires. Ils ont fait un cercle. Ils m'ont dit de me coucher dans ce cercle. Donc je me suis couché. Bon, ils ont commencé par me frapper. Ils m'ont frappé. À un moment donné, ils se sont arrêtés. Ils ont cessé de frapper. Donc j'étais très abattu, je ne pouvais pas me lever. Mais ils demandaient à ce que je me lève, je ne pouvais pas. J'ai fait des efforts, ça n'allait pas. Donc après 10 à 15 minutes, je me suis levé croyant qu'ils sont allés rester s'asseoir. À ce moment, il y avait un qui était debout et qui tenait un pilon. Et c'est le pilon là, il a pris frappé dans mon dos et s'est blessé. Après ils m'ont levé, ils m'ont dit de me coucher. Ah oh, sur mon dos. Donc je me suis couché comme ça et ils ont commencé par frapper sur mes cuisses. Et ils m'ont levé. Donc je me suis levé. Ils m'ont pris mettre dans leur camion. Donc il y avait déjà 2 qui sont déjà dans la voiture. Et ils ont pris la direction. Le chef a donné l'ordre qui nous amène en prison. On a pris la voie de Kara. Donc en allant, je continuais par les demander pardon, puisqu'il y avait un militaire au sein du groupe qui s'exprimait bien en Kotokoli. Et je ne suis pas, il n'est pas sans doute un Kotokoli. Donc j'ai commencé par leur demander de m'excuser, de nous libérer. Sincèrement, il m'a posé la question à savoir si j'ai quelque chose sur moi. Et j'ai dit c'est l'appareil que je tiens dans mes mains. Il me demandait où est l'appareil. Je lui ai tendu l'appareil et il m'a ramené ça. Donc quand il m'a remis l'appareil, il a touché ma poche, il a senti que ça craquait. Donc il a mis la main, il a enlevé. C'était un billet de 10 000 francs qui était dans ma poche. et il a pris le billet de 10 000 francs et disait à leur chef qui était dans la cabine que c'est comme ça, le troisième chef, le troisième a donné pour le café. À ce moment, le chef lui a demandé combien et il a dit 10. Et le chef lui dit, bon, jetez-le. Et ils ne se sont pas arrêtés, ils m'ont poussé et je suis tombé. C'est là que ça m'a blessé, ma cheville. Poursuite, enlèvement, pillage, destruction de biens, bastonnade, etc. C'est bien à cela que se résume la situation qui prévaut à Mango et Bafilo. Plusieurs dizaines ont pu franchir les frontières du Bénin et du Ghana où ils se réfugient. Rodrigue Aego, Bafilo, pour Radio Canal K. Radio Denigbon, basé aux USA, partenaire de Fenêtre sur l'Afrique. FM Liberté à Chicago, la radio de la diaspora africaine, partenaire de Fenêtre sur l'Afrique. Eh bien, merci de votre fidélité sur le 3xwcanalk.ch et ses radios partenaires FM Liberté Radio Denigbon. Avant de prendre nos deux leaders et annoncer Jean-Pierre Frappe et Tchikpi Adjadam, accueillons d'abord deux panafricains. Il s'agit justement du docteur Jean-Aimé Mouketou. Et Jean-Aimé Mouketou est un activiste gabonais. Il lutte pour l'Afrique et pour le Gabon, pour la démocratie un peu partout au monde, notamment en Afrique. Nous avons également Adama Koulibaly, qui est le porte-parole du collectif contre la confiscation de la démocratie au Burkina Faso. Nous accueillons d'abord Dr Jean-Aimé Mouketou. Bonsoir. Oui, bonsoir, Sylvain Amos. Merci de nous accompagner. Et Adama Koulibaly, bonsoir. Bonsoir, Sylvain. Merci. Eh bien, docteur Aimé Mouketou, tout comme Adama Koulibaly, vous avez suivi le reportage de notre correspondant Rodrigue Aego qui était depuis mercredi dernier au fin fond au nord du Togo. Des morts, des blessés, des emprisonnés, des condamnés, des dégâts matériels depuis les dernières manifestations du peuple togolais qui exigent le retour de la condition de 1992, condition et dans laquelle figure, on dit souvent, c'est un slogan maintenant sur toutes les lèvres au Togo, en aucun cas, nul ne peut faire plus de deux mandats. Docteur Jean-Aimé Mouketou, vous suivez de presque tout ce qui se passe au Togo. Quelle est votre analyse en tant que panafricain, docteur Mouketou? Écoutez, Sylvain Amos, je ne ferai pas la langue de bois. Moi, je suis surpris. En fait, ce que j'aurais aimé poser comme question à la famille Eyadema, est-ce que nous sommes au 21e siècle ou nous sommes à l'époque du Moyen-Âge? Parce que la description que je venais d'écouter depuis le nord de votre pays, je me pose la question suivante. Mais nous sommes dans quel pays? Nous sommes dans quel siècle? On ne peut pas se comporter ainsi envers des personnes humaines. L'homme a été créé, ça fait 3 millions d'années en Afrique. On ne peut pas s'imaginer qu'au 21e siècle, que des gens se comportent comme des barbares venus du monde des ténèbres contre des êtres humains de cette façon. Pourquoi? Parce que ces êtres humains demandent une simple révision d'une constitution. Sylvain Amos, c'est écœurant, c'est honteux, c'est humiliant. Mais quelle Afrique? Est-ce que les responsables, soi-disant ceux qui dirigent le Togo, s'imaginent pas qu'ils sont en train d'humilier tout un continent? Nous avons des anciens chefs d'État africains, l'ancien chef d'État ghanéen qui a pris la parole, il a attiré l'attention en disant à son collègue, parce que c'est un ancien chef d'État qui s'exprime ici, que fais attention, le pays est en train d'aller sur un chemin dangereux. On ne peut pas accepter qu'on tue des hommes comme du bétail. Moi, je suis surpris, je suis étonné qu'au 21e siècle, qu'on se retrouve avec un monsieur comme Fort qui se comporte comme un barbare venu du monde des ténèbres. Monsieur Niassimbe, est-ce qu'il doit comprendre que c'est humiliant? on ne maltraite pas son peuple de cette façon-là. Tout à fait. Il faut qu'il se ressaisisse. D'accord. C'est inacceptable, monsieur Sylvain Amos. Inacceptable. D'accord. Adama Koulibaly, vous êtes burkinabé, vous êtes panafricain. Il y a tout récemment, c'est le Burkina Faso qui a vu une attenance. Le peuple a réussi à chasser Blaise Compaoré. Aujourd'hui, le Togo est le seul pays de la sous-région ouest africaine à ne pas connaître d'attenance. Et depuis quelque temps, les manifestations s'intensifient au Togo. Des morts, des blessés. Vous avez suivi, tout comme Dr Jean Memoukitu, le reportage écœurant de notre correspondant. Quelle est votre réaction, Adama Koulibaly? D'abord, une réaction de un sentiment de compassion, de soutien et de compassion à l'ensemble des victimes, des blessés, et des familles des morts, et de tous ceux qui ont été assassinés, et également et une admiration et un soutien sans faille au peuple togolais en lutte dans son ensemble. Parce que il est inadmissible que ceux-là qui ont demandé à amener au TPI et des chefs d'État qui africains, parce qu'ils n'étaient pas d'accord avec eux, que ceux-là même qui se font appeler la communauté internationale, ceux qui dirigent cette communauté internationale, se taisent en réalité sur ce qui se passe et n'essayent pas de lever la voix, de dire stop, puisque stop à un de leurs alliés. Et pendant que on a un peuple qui a été soumis depuis de nombreuses années, qui a voté une constitution il y a 25 années, qui n'a jamais été appliquée, et qui aujourd'hui se dresse, ce peuple-là se dresse contre la félonie, contre la dictature, contre la répression, contre la famine, contre toutes les difficultés qu'il subit depuis longtemps, que on lui tire dessus comme s'il s'agissait d'un exercice de tir au pigeon. Mais c'est absolument inadmissible. En tant qu'Africain, je me sens togolais. Tout à fait. Hein, je me sens togolais. Et donc, de ce point de vue, ceux qui meurent là-bas, ce sont mes frères. C'est une partie de nous-mêmes qui est en train de partir de cette manière. On ne peut pas accepter cela. Il faut qu'on se mobilise tous ensemble pour que ça cesse. La violence gratuite d'un État dont la mission première est de défendre sa population, eh bien, n'est pas acceptable. Cette violence absolue, aveugle, avec les moyens qui sont des moyens des populations togolaises qui créent des richesses et qui permettent au gouvernement, au président fort et à tout son entourage de vivre et de gouverner ce pays-là, ce sont les moyens du peuple togolais. Et ces moyens-là sont retournés contre ce peuple-là. Donc, c'est un gouvernement qui a failli à sa mission essentielle et première, primordiale. De ce point de vue, ce gouvernement ce régime est totalement, non seulement décrié, mais il doit être banni. Mais c'est tout simple. D'accord. C'est tout ce qu'on a connu au Burkina Faso. En tant que Burkinabé, ce que nous avons connu, c'était cela. Des assassinats pendant 27 longues années. Et ensuite, il y a eu plusieurs manifestations comme au Togo. Ce n'est pas la première fois. Certes, c'est la première fois que c'est une telle ampleur. Mais le peuple togolais s'est dressé, se lutte depuis toujours. Et là, ça a été le cas au Burkina Faso. À un moment donné, les militaires ont tiré sur la population. Mais les gens sont restés debout, y compris le régiment de sécurité présidentielle de Blaise Compaoré, la grâce prétorienne de Blaise Compaoré, qui a fait un coup d'État le 16 septembre 2015. Mais la population est restée debout. La vérité appartient au peuple qui se dresse. Tout à fait, tout à fait. Et le peuple togolais s'est dressé aujourd'hui. Il faut que le peuple togolais maintienne cette mobilisation. D'accord. Mais pour que cela soit victorieux, il faut que l'ensemble des Africains et des démocrates à travers le monde soutiennent ça, parce que le sang du Togo a été versé, le sang de l'Africain, donc c'est notre sang, nous tous, qui a été versé. D'accord. On ne peut pas continuer, on ne va pas éradiquer les peuples togolais, ce n'est pas possible. D'accord. Et donc, ceux qui soutiennent ce régime et qui ne soutiennent pas le peuple togolais sont complices des crimes qui ont cours en ce moment. D'accord. Il faudrait que le peuple trouve le moyen de rester auprès du TPI pour pouvoir dire, nos dirigeants nous assassinent, amenez-les là-bas. Tout à fait. Et n'attendez pas que les choses se calment. D'accord. Tout à fait. Vous l'avez dit, hein. Vous l'avez dit au peuple togolais de maintenir la pression sur ce pouvoir dictatorial au Togo. Docteur Jean-Aimé Mouketou. Et parmi ces morts, il y a un enfant de 9 ans. Et c'est triste, hein. Et là, le peuple togolais ne compte pas baisser les bras. Les manifestations se répètent. L'opposition, hein, là encore annoncé, et la semaine prochaine, les manifestations vont encore reprendre à main nue et contre les militaires qui tirent, hein, des fois même à balles réelles sur la population togolaise. Vous venez tantôt d'évoquer la communauté internationale. Alors, contre la volonté du peuple, la dictature togolaise s'obstienne. Faut-il y voir l'armée des multinationales étrangères, dont françaises, Dr Mouketou? Écoutez, moi, ce que je déplore, c'est que je condamne, ce que je regrette, c'est cette hypocrisie internationale, cette hypocrisie sous-régionale, cette hypocrisie africaine. Vous voyez, on parle de la communauté internationale, mais parlons un peu de la CEDEAO. Mais je pense que le Togo est l'un des rares pays là où nous avons un régime dirigé par des barbares venus du monde des ténèbres. Vous parlez de l'armée, c'est pas une armée, ce sont pas des forces de l'ordre. Il faut utiliser les vrais mots. Vous savez, dans les pays occidentaux, ce que nous observons au Togo, si c'était aux États-Unis, si c'était en France, si c'était en Allemagne, si c'était dans d'autres pays démocratiques, ce sont les forces de sécurité qui devaient se mobiliser contre ces barbares venus du monde des ténèbres. Mais docteur Mouketou, là, vous ne citez que des pays européens là qui ont déjà la démocratie. Mais écoutez, il y a le Ghana à côté, il y a le Bénin à côté du Togo qui est en démocratie justement, aussi. C'est pourquoi je parle de l'hypocrisie africaine. Tout à fait. La CEDEAO existe. Est-ce que la CEDEAO a une force militaire? Oui. Pourquoi? Jusqu'à présent, cette instance sous-régionale n'intervient pas. Pourquoi ce mutisme? Pourquoi ce silence? Là, vous venez, moi je suis enseignant. Je suis aussi père de famille. Un enfant de 9 ans. Vous imaginez que si c'était dans un état dit démocratique, où il faut essayer d'aller y toucher même à un simple cheveu d'un États-Unien ou bien un Français, et surtout quand ça vient du côté des barbares. Ce sont des forces de sécurité qui devaient se mobiliser. On devait voir l'Union européenne se mobiliser. Maintenant, au niveau de l'Afrique, votre sous-région, l'Afrique de l'Ouest, pourquoi les chefs d'État de l'Afrique de l'Ouest ferment les yeux quand il s'agit du Togo? Pourquoi les présidents démocrates comme M. Kabore, qui a été élu par le peuple burkinabé, les présidents ghanéens, les présidents maliens, pourquoi ils ne convoquent pas de réunions extraordinaires sur cette problématique des crimes que nous sommes en train d'observer? Nous avons des images. Ce sont des êtres humains que Faure Gnassingbé et sa milice sont en train de tuer. Donc, ne parlons pas, ne sortons pas d'abord de l'Afrique. Restons d'abord au niveau de la sous-région. Ensuite, on peut aussi poser la question au niveau panafricain. Où est l'Union africaine? Où est l'Union africaine? Pourquoi l'Union africaine ne vient pas intervenir? Donc, moi, je dis, Monsieur Sylvain Amos, laissons les Occidentaux, mais nous-mêmes d'abord. Et, vous voyez, il n'y a pas que des hommes politiques, il n'y a pas que des forces militaires. Je ne vois pas le soutien des autres communautés africaines, surtout au niveau de l'Afrique de l'Ouest. Vous êtes quand même entouré des pays dits démocratiques. Pourquoi les Ghanéens, au lieu de faire des discours, pourquoi les Burkinabés, pourquoi les Maliens et les autres, les Ivoiriens, pourquoi ils ne se mobilisent pas? Pourquoi ils ne se mobilisent pas pour soutenir ce peuple, qui a abandonné? En tout cas, l'ancien Docteur Mouketou, l'ancien président du Ghana, John Diriris, a fait une déclaration qu'il soutient le peuple togolais dans sa revendication légitime. Hein. Donc, Olu Sengun Obasanjo l'a aussi fait. Ce ne sont que des anciens présidents, ça c'est clair. Oui, mais moi je vous parle des chefs d'État en fonction. En fonction. Des chefs d'État en fonction. C'est vrai que Les anciens présidents ghanéens sont écoutés dans la sous-région. Mais il faut que ça aille au-delà. Il faut qu'ils discutent avec leurs collègues qui sont en fonction. On ne peut pas abandonner le Togo. Que fait le président ivoirien? Que fait le président malien? Que fait le président surtout du Burkina, Burkina Faso? D'accord. Lui, il peut prendre cette responsabilité en se disant que, quand même, le Burkina Faso est l'un des pays phares où il y a eu une révolution populaire qui a enraciné la démocratie. Pourquoi d'accord. ce mythisme? D'accord. Vous voyez? Donc, c'est comme s'il y avait une complicité, monsieur Sylvain Amos. On va voir, ça, on ne peut pas l'accepter, on ne peut que le condamner. Exactement. C'est clair. On va voir ce que pense également, Adama Kouliba. De toute façon, dans cette émission panafricaine, Fenêtre de l'Afrique, on parle sans langue de bois. Adama Kouliba, le peuple togolais, fait un combat depuis des années. Des morts, des blessés, des réfugiés. Il y a quelques jours, on annonçait encore près de 500 Togolais au nord du Togo où la répression a été tellement de taille là-bas. Hein. Donc c'était pas vivable quoi. Donc les jeunes sont obligés d'aller dormir dans la brousse. Ils ont fui cette localité au nord du Togo, surtout à Mango. Donc les Togolais livre un combat à main nue, mais des gens pensent qu'il y a quand même derrière il y a les multinationales étrangères dont français qui soutiennent ce régime dictatorial. Alors contre la volonté d'un peuple, la dictature togolaise s'obstine. Faut-il y voir la main des multinationales étrangères dont françaises? Adama Kolebali. Alors il est évident que dans ce genre de situation, et il y a toujours des gens qui tirent les ficelles et qui tirent aussi les marrons du feu. L'Afrique est exploitée depuis toujours, depuis le commerce, la mise en place du commerce triangulaire. Tout à fait. C'est un continent qui est devenu la vache à lait de l'Occident et avec des complicités locales, naturellement. Aujourd'hui, dans cette situation néocoloniale, il est évident que ceux qui font la loi et qui soutiennent le régime, c'est les multinationales avec le soutien actif des politiques des pays occidentaux. Parce que les politiques passent généralement les multinationales restent. Hein, et c'est la même politique qui est appliquée pour justement défendre les intérêts pour ce qui concerne le Togo, de la France et de beaucoup de multinationales françaises. Maintenant, c'est-à-dire qu'il y a directement un soutien et de ces multinationales, il faut être réaliste. Il y a une question d'intérêt. Et ces gens-là tirent les marrons du feu, qu'il y ait stabilité ou pas de stabilité, les affaires continuent. Ce qui est évident, c'est de se dire que lorsqu'il y a lutte, lorsqu'il y a mobilisation, il y a lutte, il y a détermination et persévérance, ça finit toujours par aboutir avec ou sans soutien des multinationales pour les camps d'en face. Moi, j'en appelle personnellement à la conscience collective des Africains, des Togolais, à faire en sorte de ne pas trahir la mémoire des martyrs tout à fait. Qui tombent et qui continuent de tomber là-bas. Mmh. À faire en sorte que cette mobilisation perdure, s'amplifie, au point que même ces multinationales-là soient obligées de dénoncer ce qui se passe. Mmh. Et j'en appelle aussi aux institutions, notre frère, il a bien raison, d'invoquer les silences des États africains. Mais là encore, il n'y a rien d'étonnant cela. Savez-vous que, si vous avez suivi, dans la presse Internet, récemment, dans les médias, dans les réseaux sociaux, et il y a une information qui a été balancée à dessein, qui disait que Blaise Compaoré serait approché par la CEDEAO pour pouvoir être médiateur dans la crise togolaise. Mais de qui se moque-t-on? On lance un ballon d'essai comme ça, et si ça fonctionne, on y vraiment. Va. Mais de qui se moque-t-on? Voilà quelqu'un, un dictateur, qui a été chassé par une mobilisation populaire dans son pays, qui a été secouru par la France et la Côte d'Ivoire, qui a même changé de nationalité pour échapper à la justice de son pays, et qui va être médiateur dans une crise où un peuple est debout. J'en appelle également justement aux militaires, qui sont issus du peuple togolais aussi, à faire attention, à penser qu'ils doivent protéger ce peuple. ceux d'entre eux qui ont conscience qu'ils ne sont pas des marionnettes, qu'ils ont aussi une conscience, et qu'ils doivent demain rendre compte, quoi qu'il en soit. Il est encore temps de se ranger dans le camp du peuple. De faire en sorte que les multinationales qui soutiennent, que les pouvoirs dits de la communauté internationale, que ceux qui sont encore dans ce régime, qui soutiennent ce régime, qui sont les barons de ce régime, que tous ces gens-là, ceux d'entre eux qui sont capables de se retirer, les fassent encore pendant qu'il est temps. Quoi qu'il en soit, la mobilisation doit perdurer pour que, encore une fois, quels que soient les soutiens de ce régime, le peuple doit être respecté. Le peuple togolais doit vivre. Merci. Il doit gagner, il doit avancer. Sans ce peuple, ce régime n'existerait pas. Tout à fait. Et ce régime-là ne peut pas détruire le peuple. Tandis que ce régime peut passer, le peuple restera. Tout à fait. Docteur Jean-Aimé Mouketio, vous êtes activiste gabonais. Je rappelle à nos auditeurs que vous animez une émission Docteur Mouketio reçoit, qui d'ailleurs dans quelques semaines sera en collaboration avec notre émission panafricaine Fenêtre sur l'Afrique. Et Docteur Jean-Aimé Mouketio, les Gabonais aussi luttent pour l'avènement de la démocratie, pour l'alternance au Gabon. Jusque-là, Ali Bongo est toujours dans son fauteuil présidentiel. Plus de 55 semaines de résistance au niveau de la diaspora togolaise. Est-ce que la diaspora gabonaise est toujours déterminée à aller loin dans ses revendications par rapport à la réclamation ou à la revendication de la victoire de Jinping? Docteur Jean-Aimé Mouketio. Nous sommes mobilisés, nous sommes déterminés au sein de la diaspora gabonaise d'Eurasie et de l'Amérique. Nous sommes déterminés, nous sommes à la 58e semaine de résistance active et patriotique contre le barbare venu du monde des ténèbres, M. Ali Bongo Ondimba, qui est sur la voie de partir. Vous savez, quand vous parlez d'Ali Bongo Ondimba, ça rappelle la famille, et il y a des Machevaux au Togo avec Faure Gnassingbé. Ce sont les mêmes luttes que nous sommes en train de mener pour la démocratie. Donc, ce qui se passe au Gabon, c'est exactement ce que nous observons dans votre pays, le Togo. Nous sommes en train de lutter contre une famille qui est soutenue par des réseaux mafieux, par des réseaux criminels, et nous sommes sur la voie pour endiguer, chasser cette famille, parce que nous avons élu le 27 août 2016, Monsieur Jinping comme président du Gabon. Nous disons que nous sommes le peuple souverain et Jinping est le président de la République gabonaise qui a été élu par le peuple gabonais. Et nous, quand nous sortons de ce cadre-là, quand nous venons au Togo, nous participons aux manifestations qui sont organisées par la diaspora togolaise parce que nous savons aussi qu'au niveau du Togo, c'est une famille qui est là. Écoutez bien, depuis un demi-siècle, tout à l'heure, j'écoutais le reportage de votre correspondant depuis le nord du Togo qui parlait des routes qui manquent, qui parlait des hôpitaux qui manquent. Voilà des gens qui sont au pouvoir depuis 50 ans, qui sont dans l'incapacité de développer leurs états. Donc moi je dis ceci, c'est peut-être mon dernier mot. Tout à fait. Je voulais lancer, vraiment avec votre autorisation, le message suivant aux forces de sécurité togolaises. Que faites très, très attention, ce régime va tomber. Tous les actes que vous posez de violence sont enregistrés. Je dis bien, tous les actes de violence qu'ils posent contre le peuple civil sont enregistrés par les Occidentaux, par les associations togolaises qui sont sur place, par la diaspora togolaise, bref, sont enregistrés. Et demain, ce qui est sûr, Faure Gnassingbé quittera le pouvoir. On ne sait pas comment. Mais notez bien qu'il quittera le pouvoir. Il ne restera pas là éternellement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous qui êtes en train de tuer les civils aux mains nues, vous allez être arrêtés et jugés un jour. Faites attention, un être humain, c'est pas un animal. Merci. Un être humain a le cerveau. Les Togolais ont besoin de la protection de leurs forces de sécurité. Tout à fait. Voilà mon dernier mot. Merci. Et je dis, le peuple togolais a mon soutien indéfectible. En tout cas, merci beaucoup, docteur Jean-Aimé Moukidou, je le disais. Et vous animez une émission qui est intitulée « Docteur Moukidou reçoit ». Et dans quelques semaines, nous serons en collaboration avec docteur Jean-Aimé Moukidou. Rapidement, Adama Koulibaly, vous qui êtes porte-parole du collectif contre la confiscation de la démocratie au Burkina Faso. Rapidement, une minute, que direz-vous pour conclure cet entretien et que vous avez bien voulu nous accorder ce soir? Je dirais tout simplement que nous devons tous nous mobiliser. Bientôt à Paris, nous allons tous ensemble, je l'espère, de manière On profite de l'occasion quand même pour annoncer à nos auditeurs qui est panafricain et togolais également, principalement, qu'il y a une grande manifestation panafricaine togolais contre la dictature au Togo le 7 octobre, donc au samedi prochain, alors, Adama Koulibaly. Vous y serez alors? Et naturellement. Donc il faut que partout où nous sommes et nous puissions nous mobiliser dans la rue, dans les médias et que nous puissions manifester notre soutien au peuple togolais, que nous puissions porter assistance également aux blessés et aux familles des victimes, des martyrs, pour que les gens sachent au Togo que leur combat est su, connu, suivi à l'extérieur et que nous restons mobilisés, africains et démocrates non africains également. Tous ensemble, nous allons faire en sorte que le Togo puisse connaître des jours meilleurs. Tout à fait. Et que l'Afrique aussi, dans son ensemble, puisse connaître un autre devenir. Merci. Parce que le Togo, on a évoqué le Gabon et d'autres pays également. Et que les pays qui ont déjà connu une telle situation, qui s'en sont sortis, puissent marcher véritablement sur la voie de la démocratie et du développement en faveur des populations. En tout cas, merci beaucoup, Adama Koulibaly, également, docteur Jean-Aimé Moukidou. Bonsoir et à très bientôt. Bonsoir. Bye bye. Radio Denis Bon, basé aux USA, partenaire de Fenêtre sur l'Afrique. Eh bien, mes auditeurs, merci de votre fidélité. Pour décrypter la situation sociopolitique au Togo, nous accueillons également notre confrère Ferdinand Ité, qui est le directeur du journal L'Alternative au Togo. Bonsoir, Ferdinand Ité. Bonsoir, Sylvain Amos. Bonsoir à tous les auditeurs de Canal K. Et merci de m'avoir invité pour cette émission. Merci beaucoup, Ferdinand Ité, également d'être en ligne depuis Lomé avec nous. Eh bien, Ferdinand Ité, merci de nous accompagner également en ligne depuis Lomé pour décrypter l'actualité sociopolitique au Togo avec nous. Et les dernières manifestations de l'opposition ont engendré plus de 50 blessés, surtout dans les localités du nord du Togo. On déplore 2 morts, dont un enfant de 9 ans. En aucun cas, nul ne peut faire plus de 2 mandats. Tirer de la condition de 92 est devenu depuis quelque temps un slogan du peuple togolais. Eh bien, Ferdinand a été, selon vous, jusqu'où iront ces manifestations du peuple togolais? Je crois que ces manifestations doivent continuer jusqu'à ce que les objectifs que la coalition ou le peuple togolais s'est fixé soient atteints. C'est-à-dire que le retour à la constitution de 92 et le vote de la diaspora, comme l'a rappelé la dernière fois le président du PNP. Et si le régime n'est pas en mesure de céder à ces 2 revendications, les responsables passeront à une autre étape de la lutte. Ce qui est essentiel aujourd'hui, c'est que c'est tout le Togo qui bouge, c'est la rue qui gronde depuis Saint-Cassé jusqu'à Lomé. Et donc, il n'y a pas de ville qui soit épargnée par ces manifestations. Et j'ai même été parfois surpris que dans le décompte que les autorités ou le ministre de la Sécurité même fait souvent, il parle des villes dont on n'a même pas imaginé qu'elle serait dans la marche. Donc je crois que c'est une bonne chose. Il faut continuer pas à maintenir la pression. Maintenant, il ne faut pas que ça devienne des marches pour des marches. Répétitives, quoi. Il faut fixer les objectifs. D'accord. Et transformer cette force populaire à une force conquérante du pouvoir. Et c'est là où on attend la touche des leaders, parce que le peuple est déjà debout. Et si les leaders ne sont pas capables de transformer cette mobilisation en une force conquérante du pouvoir, ils auront échoué une fois de plus. Tout à fait. Eh bien, Ferdinand, le constat est fait que le Togo reste le seul pays de la sous-région ouest-africaine à ne pas connaître une attirance dans la sous-région ouest africaine. Et depuis que les manifestations ou encore ces soulèvements populaires ont gagné aussi les villes du Nord, longtemps considérées comme fief du régime actuel, Fonia Sibé ne parle pas à son peuple, Ferdinand. Alors, journaliste et analyste politique que vous êtes, que comprendre de ce mutisme du chef de l'État? Oui, effectivement, le Togo reste une anomalie dans la sous-région. C'est le seul pays de la CDAO qui n'a pas connu d'alternance depuis 50 ans et qui refuse d'ailleurs d'envisager cette perspective. C'est ça qui singularise notre pays et qui tout le rend véritablement atypique. Et c'est ça qui fait aujourd'hui que la cause de M. Fonia Singbe est vraiment indéfendable. C'est-à-dire que lorsqu'on commence par parler de ce régime, on dit mais c'est qui est là-bas? On dit c'est Fonia Singbe, il est là depuis quand? Son père a fait 38 ans, il veut faire 15 ans et il n'envisage pas partir. Personne ne veut le défendre. Et c'est ça qui aujourd'hui est à l'avantage des forces démocratiques au Togo. Et ces forces démocratiques, de mon point de vue, doivent comprendre, doivent saisir ce vent favorable-là et même entamer une tournée dans la région pour essayer de rencontrer certains chefs d'État et leur expliquer le fond du problème togolais. Et vous savez qu'aujourd'hui, dès qu'il y a un petit souci, on demande à la CDAO de se rassembler, les chefs d'État vont tenir des mini-sommets. Si les responsables politiques de l'opposition ne sensibilisent pas ces chefs d'État, ne les mettent pas au courant de ce qui se passe dans les détails, et il se peut que certains se trompent. Donc c'est urgent que nos amis de l'opposition puissent faire une tournée régionale pour parler à certains chefs d'État. Tout à fait. Et le Nord, considéré comme le fief du régime, bon, c'est ce qui a été toujours dit. Est-ce que c'est vrai? Je n'en sais rien. Mais vous savez que la misère est plus présente au Nord qu'au Sud et que ce régime n'a pratiquement rien fait au Nord du pays. Et ces gens ont toujours été instrumentalisés. Aujourd'hui, les consciences s'éveillent là-bas et le Nord bouillonne de plus en plus. Et ce réveil-là met totalement à nu tous les subterfuges du régime qui a toujours voulu opposer le Sud et le Nord en disant oui, le changement, c'est le truc des gens du Sud contre ceux du Nord. Aujourd'hui, ces méthodes d'instrumentalisation sont tombées et c'est là toute la difficulté du régime. Okay. Va-t-il parler? Je n'en sais rien. Moi, je pense qu'il ne parlera pas, parce que pour qu'il parle, il faut qu'il ait quelque chose à annoncer au peuple. D'accord. Et il n'a rien à annoncer parce qu'il n'envisage pas son départ. Donc, c'est quelqu'un qui ne sait pas qui gouverne un pays. Et c'est ce qui a été dit aussi lors de la récente sortie de Hachadam. S'il ne veut pas parler au Togolais, alors pourquoi il cherche le pouvoir au Togo? Il faut qu'il s'en aille. D'accord. Et c'est ce qu'Hachadam dit. Donc moi, je pense qu'il ne parlera pas. Il ne parle pas aux enseignants qui sont souvent en grève. Il ne parle pas aux médecins. Il ne parle pas à toutes les couches du pays. Il ne les reçoit pas. Et il ne parlera pas aux politiques. Et il ne parlera pas au peuple. Donc c'est moi, dommage. Je ne suis pas c'est dommage. Certain qu'il va prendre la parole. D'accord. C'est quand même dommage le silence du chef de l'État face à ce mouvement populaire au Togo. Eh bien, Ferdinand Haïti, parlant des réformes politiques, le pouvoir de Fonia Sibé se lance dans une campagne référendaire et après plus de 25 dialogues dans la crise politique au Togo, Ferdinand Haïti, comprenez-vous le rôle de la communauté internationale qui convie de nouveau le pouvoir et l'opposition à une table ronde? Ce qu'on appelle souvent la communauté internationale, vous le savez mieux que moi, c'est une vraie nébuleuse. C'est une vraie nébuleuse et on voit comment elle est silencieuse depuis le 19 août où on massacre les Togolais, où les images des violences, même sur les enfants qui sont tués à balles réelles, font le tour du monde. On ne sent pas une condamnation du régime. On sent juste quelques communiqués hypocrites comme le système des Nations Unies, les ambassadeurs qui ont sorti un communiqué à Lomé ici, qui n'ont même pas condamné les violences, les violations de domicile par les forces de l'ordre et tout ça. Et cette communauté internationale ne fera rien pour nous. Il nous revient à nous-mêmes d'essayer de régler le problème. Vous avez vu le rôle obscur de Ibn Shambas. Ce monsieur est un escroc. C'est pas un diplomate, c'est un escroc. et d'accord. qui a fait des déclarations scandaleuses sur des radios, sur une radio au Ghana, en disant que il n'y avait pas de problème au Togo, que c'est un groupuscule qui voulait perturber la paix sociale et que lui, il va souvent au Togo et que le Togo se porte bien avant d'arriver ici. Et nous avons toujours souhaité, on l'avons dit au leader, d'écrire une lettre officielle pour le récuser auprès de, du secrétaire général des Nations Unies. L'objectif de Chambas, c'est de sauver Faure Gnassingbé. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle, pour ne pas avoir un autre son de cloche, le régime a tout fait pour faire annuler l'arrivée de la francophonie et a mis la CDAO en deuxième position. Maintenant, c'est Ibn Chambas qui parle et qui parle du référendum de Faure et qui demande qu'on fixe la date et qui fait même du chantage. C'est-à-dire, quand on écoute bien ce monsieur, il veut dire, bon, si les Togolais veulent le changement, il y aura la guerre civile. Alors que il y a des changements partout dans les pays, dans d'autres pays, il n'y a jamais eu de guerre civile. Et ce langage, on l'a toujours entendu de la bouche de Yadema avant l'arrivée de Faure Gnassingbé. Vous voulez me faire partie, il y aura la guerre civile. Donc, voilà le visage de ce que vous appelez la communauté internationale. Comment est-ce que l'ONU peut continuer par avoir comme fonctionnaires des individus véreux comme ça, comme Ibn Chambas, qui sont là à courir à gauche et à droite pour sauver les dictateurs? Il était en Gambie, il voulait jouer le même rôle troupe là-bas lors des événements qui ont emporté Yaya Djamé, mais il a fallu que le Sénégal tienne ferme, sinon il était prêt. Moi, je l'ai vu là-bas en Gambie. Et donc, ce monsieur... la classe politique togolaise doit le renvoyer. Vous le pensez, hein? Doit le renvoyer. Nous ne sommes pas encore à un niveau où on a besoin. C'est pas que l'ONU envoie. L'ONU peut envoyer quelqu'un d'autre, mais pas Chambas. Pas Chambas. Et même, je peux vous assurer que les positions de Chambas ne sont pas du tout de l'avis de la CDAO. Les gens de la CDAO sont très en colère parce qu'il vient persécuter l'organisation régionale. Il prend le devant, il fait des déclarations tapageuses, alors que la CDAO avait une autre position. La CDAO, le président de la commission de la CDAO, qui est d'ailleurs le beau-frère de Faure Gnassingbé, M. Marcel de Souza, a clairement dit sur les médias, je crois sur RFI, qu'en aucun cas, nous ne pouvons faire deux mandats. Et ça, il a clairement dit. Mais Chambas, il a raconté sa vie. Ce monsieur, il ne court que derrière l'argent. C'est pas un diplomate, c'est un escroc. Et donc, ça, c'est le visage même de ce que vous appelez la communauté internationale qui vient dans un pays et qui court derrière le pays et qui va pour sauver le plus fort au détriment du peuple. C'est dommage. Donc, chaque Togolais doit tirer les conséquences. Et je crois que ce monsieur, il faut que nous saisissions ses patrons pour que, bon, ils ne mettent plus pied dans notre pays. Et même ses propres amis du NDC au Ghana nous demandent de le renvoyer. Je ne vois pas pourquoi il faut s'attacher ses services ici. D'accord. Voilà ce que je pense de ce que vous appelez la communauté internationale. Eh bien, merci beaucoup, Ferdinand, pour nous éclairer là-dessus pour votre position par rapport à l'implication de la communauté internationale dans la crise sociopolitique au Togo. Rapidement, et Ferdinand Ité, et même le thème même de notre édition de ce soir, contre la volonté d'un peuple, la dictature togolaise s'obstine. Faut-il y voir la main des multinationales étrangères, dont françaises, Ferdinand Ité? Naturellement, derrière cette soi-disant communauté internationale, il y a des intérêts occultes. Et vous avez ici des gens qui ont plein d'intérêts, les Français avec leur fameux Bolloré qui tient le port autonome de Lomé pour un contrat de 35 ans. Personne n'a jamais vu les termes de ce contrat. Ils ont créé ici des banques bizarres qui rapatrient tout le temps l'argent vers la métropole ou vers les paradis fiscaux. Vous avez deux intérêts, vous avez la brasserie qui est là, qui appartient aussi au groupe Castel, qui aujourd'hui déverse des tonnes de bière dans le pays, qui y a des bars partout au Togo, et tout ça c'est pour affaiblir la conscience de la jeunesse. Et puis ensuite vous avez aussi les intérêts allemands qui sont aujourd'hui dans les cimenteries et tout. Et tout ça fait que ces gens-là ne veulent pas vraiment réagir. Ils se taisent, ils regardent, ils disent pas grand-chose. Ils ne s'accrochent qu'à leur intérêt. Et c'est quand même un peu curieux que depuis que les choses se passent du côté de Paris ou de Berlin, on n'a pas un langage de fermeté vis-à-vis du régime, un régime qui a un passé assez lourd en termes de violation des droits de l'homme. Il y a tous ces réseaux qui influencent et donc les Togolais savent ce qu'ils doivent faire pour démanteler ces réseaux ou les affaiblir pour permettre à ce peuple de se libérer. Naturellement, derrière cette soi-disant communauté internationale, il y a des intérêts. Eh bien, Ferdinand Haïté, merci beaucoup pour votre position sur le rôle des multinationales étrangères et françaises et par rapport à la crise sociopolitique au Togo qui perdure depuis plus de 50 ans. Rapidement, une dernière question pour vous libérer depuis Lomé. Eh bien, il y a ces 7 coordinations des syndicats de l'éducation du Togo n'étaient pas satisfaits des promesses du ministre en charge de la fonction concernant surtout le statut particulier des enseignants avant la rentrée prochaine et décident de lancer des grèves. Finalement, Ferdinand Haïté, Fognan Simbé et son pouvoir sont acculés dans tout le sens. Que répondez-vous, Ferdinand Haïté? Oui, tout à fait. Il y a des risques que la rentrée de lundi soit perturbée. Vous savez, c'est un problème que traîne ce gouvernement depuis des années. Ils veulent pas. Il n'y a aucune volonté de résoudre le problème des enseignants, comme c'est le problème des revendications des médecins et les revendications de tous les corps, la police et tout ça. Et à chaque rentrée, il y a des mouvements. Toute l'année est perturbée par des grèves. On promet. Et puis, pendant les vacances, on dort. Et à la veille de la rentrée, on reprend les discussions et on tourne les enseignants en bourrique. Je crois que cette fois-ci, les enseignants sont décidés à commencer l'année par une grève. Et quand vous voyez même la situation de crise dans le pays aujourd'hui et ce qui se passe sur le plan politique et si la grève des enseignants rentre dedans, vous imaginez ce que ça va être. Moi, je ne peux pas dire qu'il n'y a pas d'argent dans ce pays pour résoudre le problème des enseignants. Depuis les événements du 19 août, le gouvernement ou le régime débloque des milliards pour acheter des gens. Il y a des marches dans ce pays qui ont coûté des milliards. On a distribué de l'argent aux jeunes. On envoie l'argent dans les réseaux. Il y a de l'argent qu'on a envoyé dans la région, dans la sous-région. On a acheté des journalistes des pays voisins comme les journalistes béninois qui racontent à longueur de journée et n'importe quoi sur les médias en disant que les Togolais vivent bien et que l'opposition n'a pas raison. Je crois que vous suivez bien les télévisions béninoises. Tous ces gens ont été arrosés de centaines de millions. Et pendant ce temps, on dit aux enseignants, oui, il n'y a pas d'argent, on ne peut pas vous payer, on a des problèmes de trésorerie. Alors, où trouve-t-on souvent l'argent pour les futilités et qu'on n'en a jamais pour payer les enseignants, payer les médecins et régler les problèmes? Donc, je pense que ce régime est vraiment de mauvaise foi, mais ils l'auront voulu. Si les enseignants rentrent en grève dans cette crise déjà politique aiguë, vous imaginez ce que ça va donner. De toutes les manières, les enseignants sont déterminés. Si j'ai lu leur dernier communiqué, ils ne sont pas prêts à accepter cette connerie d'augmentation de 5 000 que le Premier ministre leur a promis. Ils demandent leur statut et l'application immédiate de ces statuts. Ça fait plus de 7 ans ou 6 ans que cette histoire traîne. Et donc, c'est quand même l'éducation de nos enfants. On ne peut pas continuer par abandonner ce secteur et le laisser totalement à la déconfiture. Et vous voyez les prouesses de régime à ce jour. Et donc, moi, je pense que ça va être très difficile les jours à venir. Et on risque de se retrouver avec les élèves dans les rues comme on en a connu par le passé. En tout cas, merci beaucoup, Ferdinand Haïté, directeur du journal L'Alternative. Merci de nous avoir accompagnés en ligne depuis Lomé. Merci et d'avoir décrypté la crise sociopolitique au Togo, sur le mot populaire qui ne faiblit pas. Merci et bonsoir. FM Liberté à Chicago, la radio de la diaspora africaine, partenaire de Fenêtre sur l'Afrique. Eh bien, la mobilisation semble ne pas faiblir au Togo malgré les répressions sanglantes des forces de sécurité sur les populations qui manifestent à main nue. Au nord du Togo, notamment à Bafilo et à Mango, la répression était à son comble. On dénombre plusieurs blessés et plus de 300 citoyens qui ont fui la localité. Jusqu'où iront ces manifestations? Nous accueillons deux leaders de l'opposition, notamment Tipi Atadam du PNP, Parti National Panafricain, Jean-Pierre Fabre de l'ANC, Alliance Nationale pour le Changement. Il est également chef de file de l'opposition. À mes auditeurs, nous accueillons d'abord en ligne Diopilomé Tipi Atadam du PNP. Bonsoir. Eh bien, quel sentiment vous anime aujourd'hui face à l'évolution de la situation sociopolitique du Togo qui a connu un rebond suite à l'appel du 19 août que vous avez lancé, Tipi Atadam? Le sentiment qui m'anime, en fait, déchiré par la satisfaction et la tristesse. Satisfaction pour le travail accompli par le vaillant peuple togolais. Tout à fait. Et j'ai une admiration pour le peuple décidé face à une des dictatures les plus violentes, les plus meurtrières et les plus corrompues d'Afrique. Okay. Pas facile. Mais dans le même temps, je suis attristé quand je pense aux compatriotes froidement assassinés lors des manifestations pacifiques. Ce qui est dommage. Je pense aussi aux détenus victimes de l'arbitraire du régime RPT Unir. Je pense aux blessés, aux exilés forcés qui quittent chaque jour nos villes et nos villages assiégés par l'armée. Je suis très triste pour ce qui se passe à Mango, cette ville assiégée d'où partent des centaines de Togolais vers le Ghana où ils obtiennent un refuge. Okay. Cependant, je reste optimiste comme les Togolais dans leur ensemble. Je suis optimiste quand je vois la détermination du peuple tout entier, femmes, hommes, enfants, personnes âgées. La prise de conscience est générale. Le Togo est debout et c'est rassurant. Eh bien, le Togo est debout et c'est rassurant. Le peuple est debout, vous l'avez dit plusieurs fois. Et au nord, les gens disent que même si on tue nos frères, nous allons continuer ce combat. Tipi Atadam, des morts, des blessés, des emprisonnés, des condamnés, des dégâts matériels depuis les dernières manifestations du peuple togolais qui exige le retour à la constitution de 1992. Mais est-ce que vous comprenez le silence du chef de l'État fort, Nyasingbe? Le silence du chef de l'État depuis le 19 août 2017 relève du mépris pour le peuple qu'il prétend gouverner. Okay. Nous savons tous que fort est le président en Afrique qui envoie plus de lettres de compassion ou de condoléances aux autres chefs d'État. C'est une vérité. Ses correspondances sont lues sur les antennes de la TVT et sur les radios Lomé et Kara. On se souvient qu'il a même marché en France contre la violence qu'il cultive chez lui. Cette recherche de légitimité extravertie, c'est-à-dire à partir de l'extérieur, est une constante du système RPT Unir. Quel que soit ce qui se passe à l'intérieur, c'est-à-dire sur les territoires nationaux, pourvu que l'opinion internationale soit dupée, c'est l'essentiel. Tout à fait. Mais quand on pousse la réflexion pour tenter de comprendre fort, on est amené à se demander s'il n'est pas surpris par notre surprise face à son silence depuis le 19 août 2017. D'accord. Il est peut-être abasourdi par le fait que le peuple togolais vienne lui disputer un héritage familial auquel il n'a pas droit. Il a reçu de son père le pouvoir en héritage avec une recommandation ferme et spéciale qu'il a pris soin de rendre publique. C'était sa façon à lui de tenir à distance tout usurpateur. Et pour être ayant droit à la succession de Feu et Adema, il faut naître Nyasingbe. Et dès lors, il se dit, quand le peuple sera fatigué, il va abandonner. De toute façon, j'y suis, j'y reste. C'est certainement la raison pour laquelle il est là, pour, comme on dit à Mina, il est là, pour. Et les thèmes disent, il est là, pas. Seulement, il ne perçoit pas la détermination inédite du peuple togolais cette fois-ci. Les Togolais sont décidés à aller jusqu'au bout. Et c'est très clair pour tout esprit lucide. Exactement, les Togolais sont décidés à aller jusqu'au bout. Tipi Atadam, au Togo, nous avions connu plusieurs manifestations et qui jusque-là n'ont jamais réussi à faire fléchir Faure Gnassingbé. Alors que répondez-vous à certains citoyens qui pensent que les manifestations vont bientôt s'essouffler et qu'il faille changer de stratégie? Laquelle? Écoutez, les manifestations au Togo et dans la diaspora visent un objectif précis. Tout à fait. Mais pour l'instant, une stratégie est mise en œuvre. Mais si le résultat se fait attendre, la stratégie va évoluer absolument. D'accord. Et nous avons les éléments des plans futurs, croyez-nous. Nous les déroulerons au fur et à mesure, jusqu'à satisfaction totale, bien sûr. Ok. Mais une constante traverse nos stratégies, le pacifisme. la non-violence est un résultat pour tous les Togolais, y compris pour Faure lui-même, puisqu'il est Togolais au même titre que nous. Tout à fait, le pacifisme, vous l'avez plusieurs fois prôné dans vos meetings. Rapidement, Tikuya Jadam. Effectivement, sur le plan international, des appels à un nouveau dialogue se multiplient. Que répondez-vous, Tikuya Jadam? Oui, mais Amos, il y a eu trop de dialogues dans ce pays sans résultat tangible. Tout à fait. Tenez, dans la tradition négro-africaine, le dialogue permet de vider le contentieux. On s'emploie même à vider les cœurs pour une réconciliation durable. Le dialogue ne peut avoir pour objectif le dialogue. On ne dialogue pas pour dialoguer. Ceci étant, la question de fond, quand on nous parle de dialogue aujourd'hui, c'est sur quoi dialoguer et à quelle fin. Pour nous, au centre du dialogue, c'est-à-dire sur la table, les aspirations profondes du peuple togolais, l'alternance, rien d'autre. Pour le reste, on pourra discuter entre Togolais. Okay. Mais avant tout, il convient d'arrêter la barbarie en cours. Je pense à ce qui se passe à ce moment à Mango, avec les réfugiés vers le Ghana, une barbarie indescriptible d'une armée sur son peuple. Il faut demander à l'armée de retourner dans les casernes. Tout à fait. Il faut aussi libérer sans condition tous les détenus des manifestations et cesser les arrestations qui continuent. Tout à fait. Voilà. En tout cas, il faut quand même que l'armée reprenne conscience. L'armée, elle fait partie également de ce peuple togolais-là. Rapidement, Tupi Adjadam, une dernière question pour vous libérer depuis Lomé. Quelle sera la suite ou comment entrevoyez-vous la fin de cette crise? Oui, mais la fin de la crise. Écoutez, il appartient à Faure et à Faure seul d'en décider avec lucidité. L'opposition ne s'oppose pas à la sortie de Faure par la grande porte. Okay. En tout cas, le peuple, lui, est décidé à aller jusqu'au bout, jusqu'au résultat final, c'est-à-dire l'alternance. Il n'est pas certain de pouvoir vivre pire que ce qu'il a vécu jusqu'à aujourd'hui et pendant encore 40 ans au moins. Okay. Et puis, le régime attend que le peuple abandonne pour rendre les coups, nous le savons. Voilà. Oui. Eh bien, le peuple ne va pas abandonner. Merci beaucoup. Et Tikuya Jadam, je rappelle à nos auditeurs que vous êtes le président du PNP, Parti National Panafricain. Bonsoir. Merci, monsieur Amos, pour l'opportunité que vous nous offrez encore une fois. Et merci à la diaspora pour sa contribution à la lutte. Nous sommes proches du but et nous devons maintenir la dragée haute. Je vous remercie. Merci également à vous. Merci de nous être fidèles sur le 3xW canalk.ch, c'est Radio Partenaire FM Liberté Radio Dénigma. Toujours la mobilisation, on l'a dit, ne faiblit pas au Togo. Nous accueillons également notre deuxième invité, nous l'avons annoncé, Jean-Pierre Fabre, chef de file de l'opposition, président de l'ANC, Alliance Nationale pour le Changement. Jean-Pierre Fabre, bonsoir. Bonsoir Amos, bonsoir aux auditeurs. Eh bien, merci de nous accompagner en ligne depuis Lomé, Jean-Pierre Fabre. Comment se porte la coalition CAP 2015, PNP, groupe des 6, Santé du Peuple et le CAR? Le groupe se porte bien. N'oubliez pas que nous sommes 14. Tout à fait. Et qu'il n'est pas facile de travailler en si grand nombre. Chacun ayant sa particularité. Okay. Nous venons d'horizons divers. Mais le plus important est que nous sommes unis par la poursuite d'un seul et unique objectif, pour le peuple qui est la fin rapide du régime RPT unir. Okay. Je crois que chacun est conscient de l'enjeu. Tout à fait. Chacun est surtout conscient qu'il doit tout mettre en œuvre pour préserver l'unité et la cohésion du groupe. Okay. Les occasions de friction ne manquent pas et ne vont pas manquer, mais elles sont vite maîtrisées au profit de l'objectif commun. Tout à fait. De toute façon, nous n'avons pas le choix. D'accord. Nous devons conclure cette lutte qui n'a que trop duré. Eh bien, nous devons conclure cette lutte qui n'a que trop duré. Ça veut dire que vous êtes ensemble, vous menez un même combat, même objectif. Eh bien, nous avons appris que la coalition CAP 2015 PNP, groupe des 6 au centre du peuple Lucar, est allée à l'intérieur du pays pour soutenir les populations terrorisées, les blessés, les familles éplorées. Alors, racontez-nous un peu, Jean-Pierre Fabre, comment s'est passée cette visite aux populations du nord du Togo. En effet, les mercredis 27 et jeudi 28 septembre 2017, une délégation de l'opposition, à la tête de laquelle je me trouvais, s'est rendue à Mango, Bafilo et Sokolé, pour manifester la solidarité de l'opposition aux populations durement éprouvées, présenter ses condoléances aux familles éplorées et évaluer la situation qui y prévaut. À Mango, ce que la délégation a découvert est effroyable. Mango est une ville sinistrée, vidée de sa population. Face à la barbarie qui s'est abattue sur elle, une seule solution, la fuite. Surtout des jeunes vers le Ghana voisin, à l'ouest, et même au Bénin à l'est. Plusieurs sont en brousse, dans la nature, livrés à eux-mêmes. Ceux qui sont restés sont traumatisés. L'armée patrouille, semant la terreur. Le préfet, un militaire, le colonel Ouadja, se pavane en ville. Une visite de l'hôpital Espérance, propriété de l'église baptiste américaine, a permis de mesurer l'ampleur de la répression. Selon la direction de l'hôpital, 39 blessés par balle, réels ou en caoutchouc, sont arrivés le 21 septembre. C'est triste. Dans la cour se trouvaient plusieurs personnes venues s'y réfugier. Au bloc réanimation, le cas d'un jeune homme est emblématique de l'apocalypse qui s'est abattu sur Mango. Ce jeune homme, sauvagement bastonné par des militaires, a subi plusieurs traumatismes à la tête, au tronc et aux membres. C'est miracle qu'il ne soit pas mort. Les commotions cérébrales, résultat des dégâts à la tête, lui ont fait perdre la raison pendant plusieurs jours. Il vient de retrouver la cohérence dans l'expression. Il a plusieurs côtes cassées. À la jambe droite, une fracture ouverte. Il risque de subir une amputation. Les médecins ont promis de faire le maximum pour préserver cette jambe. C'est un véritable traitement inhumain et dégradant. Un véritable enfer qu'a subi ce jeune homme. C'est le lieu d'adresser notre gratitude, toute notre gratitude, à l'hôpital baptiste américain Espérance de Mango, à tout le personnel pour les soins prodigués, pour le refuge accordé aux populations et pour avoir accepté de nous recevoir, ainsi que pour les explications qui nous ont été données. Dieu savait à quoi il destinait cet hôpital qui a ouvert ses portes il y a seulement 2 ans. Grâce lui soit rendue, gloire lui soit donnée. À la fin du premier jour, le mercredi 27 septembre 2017, essentiellement consacré à Mango, la délégation a rendu visite aux parents des victimes et s'est déplacée pour voir les maisons incendiées. Le deuxième jour, le jeudi 28 septembre 2017, la délégation de l'opposition s'est rendue à Bafilo et à Sokolé. À Bafilo, les populations nous ont manifesté, malgré le deuil, leur volonté de se mobiliser derrière les forces démocratiques pour mettre fin au régime cinquantenaire RPT Unir. À l'entrée de Sokolé, c'est une foule immense qui nous a accueillis à Kpangalam d'abord. On l'a vu dans les images. Changement. Nous avons ensuite été conduits à la place de la Poste, en face du marché, puis le cortège s'est ébranlé vers Tchawanda, où nous avons rendu visite à la famille d'un des morts du 19 août dernier. Enfin, nous sommes allés à Kparatao, en passant par Kadambara, pour présenter nos condoléances à la famille du deuxième jeune tombé sous les balles assassines de l'armée le 19 août 2017. La visite s'est terminée dans la ferveur populaire. Je voudrais formuler les recommandations suivantes à l'égard des autorités. Allez-y. premièrement, que toutes les dispositions soient prises pour permettre le retour à une situation normale à Mango, c'est-à-dire faciliter le retour des réfugiés qui sont près de 500 au Ghana, le retour dans leur domicile de ceux qui se cachent en brousse, terrorisés. Deuxièmement, qu'une enquête soit ouverte sur les violences militaires exercées sur les populations de Mango, Bafilo et Sokoré, et qu'une punition exemplaire soit infligée aux militaires responsables de cette violence. En tout cas, merci beaucoup Jean-Pierre Fabre et pour ce compte rendu effroyable sur la situation politique au Togo, justement au Nord, terreur. On dénombre près de 500 réfugiés. Les jeunes sont obligés de fuir ou de dormir dans la brousse. C'est vraiment déplorable cette situation. Eh bien, Jean-Pierre Fabre, le groupe des cinq, comme on l'appelle communément, c'est-à-dire le réseau Union européenne, ambassade des États-Unis, ambassade de l'Allemagne, ambassade de France, dans un communiqué appelle à un dialogue avec le pouvoir, eh bien, tout comme le président de la commission de la CEDEAO et Ibn Chabanz du système des Nations Unies. Que pensez-vous de ce dialogue? Que voulez-vous que j'en pense? Toutes ces institutions sont dans leur rôle. Okay. Elles font de la diplomatie, nous faisons de la politique. Elles se préoccupent de ce qu'elles appellent stabilité à court terme. Nous préoccupons de stabilité à long terme, c'est-à-dire d'alternance. Okay. Avez-vous jamais vu la communauté internationale mener une lutte de libération à la place des peuples opprimés? Ce ne sont pas les Nations Unies qui ont fait tomber le mur de Berlin. Tout à fait. Ce sont les Allemands de l'Est. De toute façon, c'est nous qui sommes concernés. J'ai malheureusement fini par comprendre, et ce depuis longtemps, qu'il n'y a pas grand-chose à attendre de ce que l'on appelle communauté internationale. Nous avons décidé de prendre notre destin en main. Nous avons commis l'erreur, par le passé, d'attendre que cette communauté internationale apporte une solution, même une petite contribution, qui n'est jamais arrivée. Nous avons pris l'engagement devant le peuple de mettre fin à ce système qui l'opprime depuis plus de 50 ans. Voilà la situation. Personne ne peut nous en vouloir de faire preuve de détermination pour résoudre nos problèmes. Tout à fait. Un adage éveillé ne dit-il pas « habitor habivenant » Tout. Autrement dit, c'est celui qui porte la plaie qui ressent la douleur. Cela veut dire, en clair, que quelle que soit la compassion, l'affection ou la solidarité qui vous est manifestée dans une situation de souffrance, c'est vous qui ressentez cette souffrance. C'est donc à vous qu'il incombe au premier chef de choisir le moyen adéquat pour mettre fin à vos souffrances. Je sais ce que cela nous a coûté d'écouter les conseils de la communauté internationale. Alors je dis et je répète, et je l'assume avec sérénité, que nous sommes pour le dialogue. D'accord. Mais un dialogue pour discuter uniquement des conditions du départ de M. Fornia Simbé. D'accord. Les échecs des nombreux dialogues passés plaident en faveur de cette attitude. D'accord. Eh bien, vous ne croyez plus à la communauté internationale. Vous voulez qu'on négocie le départ de Fornia Simbé. Alors, au regard de cette situation, comment entrevoyez-vous donc la suite de l'aboutissement de cette lutte qui soulève tout un peuple qui finalement ne lâche pas quand dans ses revendications principales, à savoir le retour à la constitution du 14 octobre 1992 et le départ de Fornia Simbé? Jean-Pierre Fabre. Nous sommes entrés dans la phase décisive de cette lutte engagée depuis longtemps. Ok. Nous devons la mener avec détermination et sans faiblesse. Le peuple qui est notre seule arme doit se mobiliser massivement. C'est le lieu de le remercier pour sa disponibilité permanente. Le peuple togolais montre au monde entier qu'il a décidé de se libérer sans violence du joug du clan qui l'opprime depuis plus de 50 ans. Tout à fait. Ce n'est pas pour rien que nous terminons nos communiqués par la phrase, je cite, « La lutte populaire est invincible », fin de citation. Depuis que je me suis engagé dans cette lutte, je n'ai jamais imaginé une autre solution. Le moment est donc venu de la mettre en œuvre avec la rigueur appropriée. Je saisis l'occasion pour lancer un appel pour une participation massive des populations togolaises sur toute l'étendue du territoire national et dans la diaspora aux manifestations des 4 et 5 octobre prochains. D'accord. En tout cas, le peuple togolais sera au rendez-vous déjà. Hein. Le peuple togolais l'a longtemps prouvé qu'il est ce peuple-là et qui ne dort pas. Eh bien, Jean-Pierre, rapidement, une dernière question pour vous libérer en ligne depuis Lomé. Alors, que répondez-vous à ceux qui pensent qu'il faille aller à un référendum organisé du bout en bout par l'ONU et pour décanter la crise au Togo? Ce sont de doux rêveurs. OK. Compter sur l'extérieur est une erreur. D'accord. Sans les réformes institutionnelles, avec quelle haute autorité de l'audiovisuel et de la communication, avec quel CENI, avec quelle cour constitutionnelle, avec quel fichier électoral? Je préfère vous répondre en citant un de mes collègues députés de l'ANC. Lorsque le voleur conduit sa victime au tribunal, c'est qu'il a trouvé un arrangement avec les juges. Fin de citation. En tout cas, je vous remercie. Merci. Merci également Jean-Pierre Fabre, président de l'ANC, Alliance nationale pour le changement. Merci de nous avoir accompagnés en ligne depuis Lomé. Bonsoir. Était chanté par l'artiste togolais Sol Isiri dans cette émission panafricaine Fenêtre sur l'Afrique. Merci de nous être fidèles. À vous l'été. Faut pas désespérer. Eh bien, mes auditeurs, merci de votre fidélité sur le 3xW canalk.ch et ses radios partenaires FM Liberté et Radio Dénigrement. Eh bien, pour amplifier la mobilisation populaire au Togo qui ne faiblit pas, la population qui réclame le retour à la constitution de 1992 ou le départ de Faure Gnassingbé, un nouveau mouvement citoyen est créé ou est né il y a quelques semaines à Lomé au Togo. Il s'agit du mouvement Togo Debout. Nous accueillons son deuxième rapporteur qui n'est autre que Maître Pandé Adjaré, qui n'est plus à présenter quand même au public togolais. Maître Pandé Adjaré, bonsoir. Bonsoir Amos, bonsoir à tous les auditeurs et auditrices de la radio Canalka. Merci vraiment pour tout le travail, Monsieur Amos, que vous faites pour renseigner le monde entier, la diaspora togolaise, sur l'actualité qui a cours au Togo. D'accord. Et pour porter cette actualité au-delà des frontières. Mmh. Nous en sommes très reconnaissants par rapport au travail que vous faites et soyez-en remerciés. Merci également à vous de nous accompagner en ligne depuis Lomé, Maître Raphaël Pandé Adjaré. Pourquoi Togo Debout et quelle est la position et quelle est sa position? Eh bien, merci. Et Maître Raphaël Pandé Adjaré, pourquoi ce mouvement Togo Debout et quelle est sa position face à la situation actuelle qui prévaut au Togo? Alors, avant de venir à votre question, je voudrais que vous me permettiez, Monsieur Amos, de m'incliner respectueusement et humblement au nom du Front Citoyen Togo Debout devant la mémoire des citoyens togolais qui sont tombés lors des récentes manifestations, qui ont perdu leur vie tout simplement pour avoir voulu dire non ou pour avoir voulu manifester pour revendiquer un droit. Qu'il repose en paix, pour dire que nous les considérons comme des martyrs et la lutte pour laquelle ils sont tombés, ils en sont victimes, eh bien cette lutte va aboutir. Tout à fait. Souhaitons prompt rétablissement à tous les blessés graves et la libération de ceux qui ont perdu la liberté d'aller et de venir. Tout à fait. Alors, le Front Togo Debout est un front citoyen, un mouvement citoyen qui est composé d'organisations de la société civile et de syndicats uniquement. Okay. C'est un front qui n'est pas fermé, il reste ouvert aux adhésions. Et pour le Front Citoyen Togo Debout, les organisations de la société civile doivent dépasser leur rôle classique de dénonciation, de rédaction de rapports, de communiqués. Et Togo Debout est donc une société civile qui se veut engagé et responsable aux côtés du peuple, à l'instar des mouvements Yanama du Sénégal et Ballet Citoyen du Togo. Okay. Togo Debout pense que la loi, les principes, les valeurs n'ont pas de couleur, ils n'ont pas de parti politique, que la vérité n'a pas de camp, que la vérité n'est pas neutre. Et comme l'a souligné la conférence des évêques du Togo, que je salue au passage, okay, les institutions, M. Amos, comme la Cour constitutionnelle, la CENI, la HAC, sont des choses publiques. Et tout citoyen a un droit de regard dans la manière dont ces institutions sont gérées conformément aux dispositions de l'article 21 de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Okay. Nous sommes partis du constat qu'il ne faut pas que les manifestations qui ont actuellement cours au Togo ne fassent pas l'objet d'une récupération politicienne. Tout à fait. Elles ne sont pas une querelle entre le pouvoir et l'opposition, il faut du patriotisme, entre la minorité et la majorité, d'accord, mais bien plus une lutte d'un peuple pour son affranchissement de la dictature, pour ses droits civils, politiques, socio-économiques face à un pouvoir qui est fort et donc la société civile a décidé de prendre position aux côtés du peuple qui n'a que ses mains nues. Monsieur Amos, si vous regardez tous les Togolais qui manifestent dans la diaspora, la majeure partie de ces Togolais n'ont même pas la carte de membre d'un parti politique. Ce sont des personnes qui manifestent pour une conviction, pour le mieux-être de leurs concitoyens, pour la patrie. Bref, pour l'avènement de la démocratie, de l'état de droit, en vue d'une paix durable et d'un développement harmonieux au Togo. Et c'est pour ce seul intérêt qu'ils manifestent. Vous savez, l'archevêque sud-africain de Montoutou a dit « Si tu es neutre en situation d'injustice, c'est parce que tu as choisi le camp de l'oppresseur. » C'est une vérité. Et le Front citoyen Togo Debout ne souhaite pas être neutre face à un peuple qui est brimé et réprimé, à moins qu'il soit complice de cette brimade et de cette répression. Tout à fait. En tout cas, le peuple doit réclamer sa liberté. Et c'est pour cette raison que Togo Debout est créé en l'instar du mouvement et les citoyens au Burkina Faso et le mouvement M23 au Sénégal. Donc, Raphaël Kpandiadjaré, des voix s'élèvent de plus en plus au sein de la communauté internationale et appellent les forces vives à un nouveau dialogue. Qu'en pensez-vous alors, maître Raphaël Kpandiadjaré? Oui, monsieur Amos. Personne n'a refusé le dialogue. Les Togolais ne refusent pas le dialogue. Je crois que le dialogue est la seule voie de résolution d'une crise. Et quel que soit le degré de la crise, il faut toujours se retrouver autour d'une table. Mais je crois que vous connaissez bien notre pays. Tout le monde connaît notre pays. Il faut faire l'état des lieux. Sur la question du dialogue, je crois que nous avons connu plus d'une vingtaine de dialogues. Je lisais une lettre ouverte que le Parti des travailleurs, signée par M. Claude Amegavi, a envoyée au secrétaire général des Nations Unies, qui appelle au dialogue. La communauté internationale appelle au dialogue. Et j'ai pu noter qu'aujourd'hui, nous sommes à 23 dialogues. Mais citons les plus grands. Nous avons les 22 engagements. Nous avons les accords de Ouaga. Nous avons la APG. Nous avons le rapport de la CVJR. Nous avons ces dialogues. Nous avons les rapports, les recommandations de l'Union européenne. Mais nous voulons que, après un dialogue, que les recommandations soient traduites dans la pratique. Tout le problème du Togo se trouve à ce niveau. Nous ne voulons pas un dialogue entre dupes. Les Togolais ne veulent pas un dialogue qui viendra déplacer les problèmes sans le résoudre. Les Togolais veulent un dialogue franc, un dialogue sincère et constructif, honnête, avec un ordre du jour clair qui réponde aux aspirations de la grande majorité du peuple togolais, comme l'a souhaité le secrétaire général des Nations Unies. Donc, le dialogue, oui, mais un dialogue constructif, pour dire que cette fois-ci, nous sommes venus pour résoudre définitivement la question togolaise. Nous ne sommes pas venus pour faire des recommandations et les mettre dans le tiroir. C'est pourquoi nous disons, oui, le dialogue. Mais si ce dialogue doit venir, il doit être franc. Et ces recommandations doivent être mises en œuvre. Parce qu'en réalité, tout le problème du Togo, c'est ça. On s'assoit autour d'une table, on négocie, on fait des recommandations et les recommandations tombent dans le tiroir. Ce qui fait le problème togolais aujourd'hui, l'APG a été signée en 2006. Nous sommes aujourd'hui dans la 11e année. Tout à plus fait. De 11 ans, l'APG n'a pas trouvé d'application. Il faut donc un dialogue, mais il faut une volonté politique pour mettre les conclusions du dialogue en œuvre. D'accord. Et je crois que si c'est ça, les Togolais sont preneurs. En tout cas, jusque-là, il n'y a pas de volonté politique. Ça, on l'a vu, hein, le pouvoir montrer sa mauvaise foi de ne pas opérer ces réformes-là. C'est justement là la raison pour laquelle le peuple togolais est dans les rues depuis un certain temps. Maître Raphaël Kpandiadjaré, que répondez-vous à ceux qui pensent qu'il faille aller à un référendum organisé de bout en bout par l'ONU pour décanter la crise sociopolitique au Togo? Un référendum au Togo ne va pas résoudre la crise togolaise. Okay. Le référendum, c'est quoi? C'est la population. Mais cette population s'est largement exprimée lorsque la commission Awanana a fait le tour du territoire togolais. Tout le monde, dans les trentaines de préfectures que Awanana et sa commission, sa délégation ont circulé, toute la population togolaise a crié le retour à la constitution de 1992. C'est déjà un référendum. Le référendum, c'est les manifestations des 19 et 18 et 20 août. C'est la manifestation des 6 et 7 septembre où les populations sur toute l'étendue du territoire et de la diaspora ont crié le retour à la Constitution de 1992. C'est aussi le référendum. Le climat est déjà délétère. Dans quelle atmosphère allons-nous faire le référendum? Ça, c'est mener le peuple dans le chaos. Nous disons que le peuple s'est déjà exprimé. Le peuple a dit oui à la Constitution de 1992 dans sa version originelle. C'est le référendum. Mais les moyens financiers, comme eux-mêmes ils le disent, le pouvoir même le dit à travers le conseiller M. Trimois du président de la République, les moyens financiers ne peuvent pas supporter un référendum. Mais beaucoup plus. Avec quelle institution allons-nous faire le référendum? Avec quelle cour constitutionnelle? Avec quel CENI? Avec quel fichier électoral? Avec quel cadre électoral? Avec quelle loi électorale allons-nous faire le référendum? Mais nous pensons qu'aujourd'hui, ce qu'il faut, c'est le retour pur et simple à la Constitution de 1992. Et lorsque ce retour sera fait, je pense que les Togolais vont s'asseoir pour discuter des conséquences. D'accord. Il n'y a pas lieu d'initier ou de penser à un référendum. Ce serait plonger ou pousser le pays dans le chaos. D'accord, vous venez de affirmer que le retour à la Constitution de 1992 est inévitable. Vous êtes un homme de droit. Alors, vous, en tant que juriste, comment analysez-vous le combat autour de l'immédiateté ou de la rétroactivité de la loi constitutionnelle, sujet qui semble susciter et du juridisme? Maître Raphaël Pandé Adjaré. Oui, sur la question de la non-rétroactivité, je crois que le débat court. Mais, Monsieur Amos, Monsieur le journaliste, permettez-moi de vous dire que c'est un faux débat. D'accord. La question du compteur à zéro et la question de la non-rétroactivité ont été utilisées et par le pouvoir, je crois que pour bloquer la question des réformes. Monsieur Amos, l'Assemblée nationale n'est pas une cour constitutionnelle. Je pense qu'il faut adopter les réformes. Et c'est la cour constitutionnelle qui est destinataire ou le juge constitutionnel qui est le destinataire de la loi. Si au moment de l'application de la loi, le juge constitutionnel venait à dire que cette loi n'est pas rétroactive. Je crois qu'elle tirera les conclusions. Okay. Mais pour l'heure, ce que les Togolais veulent, ce que le Front Citoyen Togo Debout veut, c'est de mettre en œuvre les réformes. Mais n'oublions pas, le Togo a une histoire. Je voudrais rappeler que la Constitution qui a été adoptée par référendum en 1992, c'est cette Constitution qui a été vraiment impersonnelle, général et obligatoire, en ce qu'elle n'a visé dans sa formulation personne. La formulation même, nul ne peut exercer plus de deux mandats, est une formulation qui a vocation impersonnelle et ne visait personne. Je crois que le débat sur la personnification de la loi fondamentale a commencé avec la modification de 2002 et de 2005. Tout à fait. Et c'est cette modification qui a commencé par personnifier la loi fondamentale. Okay. Je rappelle que la question de la non-rétroactivité ne devrait pas poser de problème parce que nous sommes 7 millions de Togolais et nous ne comprenons pas, au niveau du Front Citoyen Togo Debout, nous ne comprenons pas pourquoi la candidature d'une seule personne, d'un seul Togolais, pouvait bloquer toutes les réformes et que les Togolais continuent par tomber, par être victimes de la répression. Je pense que mettons en œuvre les réformes. Mettons en œuvre la version originelle de l'article 59 de la Constitution de 1992. Et je crois que lorsqu'il y a des conséquences, ces conséquences pourraient faire l'objet d'un accord politique, d'une discussion. Parce que si on dit en aucun cas, nul ne peut exercer plus de deux mandats, nous pensons, à mon humble avis, que l'actuel mandat du président de la République, c'est un troisième mandat parce qu'il en a déjà fait deux. Le problème va se poser et ce mandat sera frappé d'inconstitutionnalité. Et à partir de ce moment, les Togolais vont s'asseoir pour discuter. Les acteurs de la crise vont s'asseoir pour discuter et donc sous le regard de la société civile qui ne permettra qu'aucun compromis ne se fasse sur le dos du peuple. Et donc un accord politique sera trouvé. Le problème des Togolais aujourd'hui, c'est de mettre en œuvre les réformes. Que le président de la République soit élu par un scrutin universel, direct, à deux tours, et qu'il ne puisse exercer plus de deux mandats. Tout à fait. En aucun cas, nul ne peut exercer plus de deux mandats. En tout cas, nul ne peut exercer plus de deux mandats. Ce mot de la Constitution de 92 est sur les lèvres de beaucoup de Togolais à Lomé au Togo, tout comme de la diaspora. C'est devenu un slogan pour motiver la population, le peuple togolais, qui est d'ailleurs dans les rues de Lomé depuis quelques temps. Et Fonia Singbe Muyet, et un de ses anciens ministres, dans une émission sur une chaîne internationale, et lors d'un débat, s'emporte et demande à l'opposition à prendre les armes pour avoir l'alternance ou pour accéder au pouvoir. Maître Raphaël Kwandé-Adjaré, quelle est votre analyse de cet état de choses? Oui, mais aujourd'hui, le peuple est dans la rue. Tout le monde le sait. Au Togo, comme à la diaspora, les Togolais sont dans la rue. Et ils reçoivent le soutien même de la communauté internationale. C'est l'expression d'un ras-le-bol, d'un profond malaise. C'est l'expression de l'accumulation de mille et une frustrations nées de la malgouvernance et de l'injustice sociale criarde. Vous savez, le général de Gaulle, paix à son âme, disait « Celui qui veut commander aux hommes doit se souvenir de leur souffrance et de sa propre faiblesse. » Je pense que le président Fornia Singbe ne doit pas se taire indéfiniment, car la crise togolaise, c'est lui. La crise togolaise actuellement, c'est sa candidature. Il doit sortir de son silence et parler à son peuple qui meurt. Et s'il aime ce peuple, il doit lui parler. Il doit savoir écouter son peuple et Togo debout l'en interpelle humblement. Les déclarations, oui, du ministre Trimoua, actuel conseiller du chef de l'État, selon laquelle prenez les armes pour accéder au pouvoir, je pense d'abord que c'est une incohérence, car les mêmes personnes prônent de la paix, et si on prône vraiment de la paix, on ne peut pas faire de pareilles déclarations. Mais c'est ensuite une maladresse et une erreur monumentale, monsieur le journaliste, car s'il le pense, il ne devrait pas le dire publiquement aux yeux de la communauté internationale qui aujourd'hui a ses yeux tournés vers le Togo. Mais monsieur le journaliste, laissez-moi peut-être vous faire un aveu. Cette déclaration qui a été faite par le ministre Trimoua, je pense qu'elle n'est pas innocente, mais elle est l'expression de ce que ceux qui la brandissent et qui savent que le pouvoir actuellement au Togo, c'est un pouvoir qui n'est pas légitime, mais c'est un pouvoir qui est fondé uniquement sur l'armée. Et tout ça, tout le monde le sait, y compris la communauté internationale. Aujourd'hui, si on laisse les gens manifester et si on ne les réprime pas, si on ne les empêche pas de sortir par la répression, eh bien, l'illégitimité de ce pouvoir se fera voir au grand jour. Mais tout le monde sait qu'en 2005, après la mort du président Yadema, c'est l'armée qui a fait allégeance au pouvoir de l'actuel président qui se trouve être son fils. Nous ne sommes pas une monarchie constitutionnelle, nous sommes une république. On ne peut pas gouverner une république avec les règles de la monarchie. C'est tout à fait le contraire. Tout à fait. En tout cas, merci beaucoup, maître Raphaël Kwandé-Adjaré, de nous avoir accompagnés en ligne depuis le Mais. Je rappelle que vous êtes le deuxième rapporteur du mouvement citoyen Togo debout. Merci et bonsoir. Oui, je voudrais terminer, monsieur Amos, en vous disant merci, mais en disant merci à toute la diaspora. D'accord. Pour sa mobilisation, pour tout ce que la diaspora fait pour que notre pays puisse sortir de la dictature, pour que notre pays conquiert sa liberté. Je voudrais interpeller une fois encore la communauté internationale. La question togolaise dure trop. La communauté internationale doit intervenir actuellement ou jamais. Ne pas laisser les choses s'envenimer. Ne pas laisser la crise s'envenimer avant de venir comme des sapeurs-pompiers. La communauté internationale est plus qu'interpellée et en réalité, les autorités togolaises n'ont peur que de cette communauté internationale. Je voudrais dire enfin que la lutte que nous sommes en train de mener n'est pas une lutte de quelques-uns. C'est une lutte pour nous tous. Et partager avec tout le monde cette pensée du théologien allemand Martin Niemöller. Je cite, « En Allemagne, ils ont d'abord arrêté les communistes et je n'ai pas protesté parce que je n'étais pas communiste. Ils ont ensuite arrêté les juifs et je n'ai rien dit parce que je n'étais pas juif. Ils ont ensuite arrêté les syndicalistes et je n'ai pas protesté parce que je n'étais pas syndicaliste. Ils ont ensuite arrêté les catholiques et je n'ai rien dit parce que j'étais protestant. Puis, ils sont venus m'arrêter. Et ce jour-là, il ne restait plus personne pour protester. Exactement. Fin de citation. Voilà, le Togo nous interpelle tous et nous devons faire en sorte qu'il n'y ait pas de chasse aux sorcières, mais que cette crise soit réglée d'une manière et d'une autre, mais aussi dans l'intérêt de la majorité des populations togolaises qui demandent le retour à la conscience de 1992 et qui disent en aucun cas nous ne pouvons exercer plus de deux mandats. Je vous remercie, monsieur le journaliste. Encore une fois, merci beaucoup, maître Pandé et Raphaël Adjaré. Vous êtes le deuxième rapporteur du mouvement citoyen qui vient de naître au Togo. Mouvement citoyen Togo debout. Vivement que le peuple togolais soit debout avec ce nouveau mouvement citoyen. Merci et bonsoir et bon courage. Bien, nous sommes arrivés à la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi et nous rejoignons le peuple souverain togolais qui a désormais ce slogan sur toutes lèvres au Togo comme de la diaspora. En aucun cas, nul ne peut exercer plus de deux mandats. Bonsoir et à samedi prochain. La constitution de 1992, constitution de retour, c'est de ça que mon peuple veut de retour. Constitution de retour, écoute la voix du peuple pour éviter un bain de sang. Et nous qui du quoi le dia et yenibé t'entrône va. Écoute la voix du peuple pour éviter le chaos. Et nous qui du quoi le dia et yenibé. Mais vous ne va. Oh na na na na. Le temps du changement est arrivé. Il est temps. Le peuple réclame le changement. Le temps du changement est arrivé. La voix du peuple qui parle. Écoute la voix du peuple pour éviter un bain de sang. Et nous qui tout quoi le tia et yenibé contrôle va. Écoute la voix du peuple pour éviter le chaos. Et nous qui tout quoi le pia et yenibé amen pour ne va. Le veut plus de toi. Où est le problème? Va dans la paix. Ne cherche pas de problème. Odola c'est toi bébé. Et toi y est les biens. Et toi les biens trop trop. Odola c'est toi bébé. Écoute la voix du peuple pour éviter le chaos. Le peuple veut plus de toi. Va dans la paix. Mon peuple veut plus de toi. Va dans la paix. Va dans la paix. Ne cherche pas problème. Oh, va dans la paix. Prends pour ma paix. Yeah. Écoute la voix du peuple. Pour éviter un bain de sang. Et nous qui du quoi le dia. Et yenibé, contrôle va. Écoute la voix du peuple. Pour éviter le chaos. Et nous qui du quoi le dia. Et yenibé, amen pour ne va. Pour que la démocratie progresse en Afrique, qu'il faut nécessairement limiter le mandat à 2 ou à 3. Ouais, qui pourra dire non? Nous demandons le retour de la constitution de 1992 qui dit qu'en aucun cas, aucun président ne fera plus de 2 mandats. Et ceci a été voté par les 97% du peuple togolais. Yama! Pour éviter un raison. Et nous, qu'est-ce qu'on est? Écoute, la voix du peuple. Pour éviter.